Messieurs, qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, messieurs, à notre souverain, à ce roi bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois, d'une main si ferme et si sage, le char de l'État, parmi les périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix, comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts. Je devrais, dit Rodolphe, me reculer un peu. Pourquoi, dit Emma. Mais à ce moment, la voix du conseiller s'éleva d'un ton extraordinaire. Il déclamait « Le temps n'est plus, messieurs, où la discorde civile ensanglantait une place publique, où le propriétaire, le négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le soir d'un sommeil paisible, tremblait de se voir réveillé tout à coup au bruit des toxines incendiaires, où les maximes les plus subversives sapaient audacieusement les bases. » Ce qu'on pourrait, reprit Rodolphe, m'apercevoir d'en bas. Puis j'en aurais pour 15 jours à donner des excuses. Et, avec ma mauvaise réputation, « Oh, vous vous calomniez, » dit Emma. « Non, non, elle est exécrable, je vous jure. »